Donc il a dit, rahimahullah, al-hadar wa tahdhir min al-shirk wa anwa' al-ma'asi wa minha as-sab' al-mubiqat, la mise en garde contre l'associationnisme et toutes les catégories de péchés, parmi lesquels nous avons les sept péchés capitaux qui sont al-muhlikat, les sept péchés al-mubiqat, al-muhlikat, car ces péchés-là font périr celui qui les commet. C'est pour ça qu'ils étaient appelés muhlika. Ce péché, il fait périr celui qui le commet, pour montrer à quel point il est dangereux. Et ces péchés-là, comme dans le hadith, wahiya ash-shirku billah. Donc, Cheikh Rahimallah a cité les sept péchés qui sont cités dans le hadith. Dans le hadith qui est rapporté dans les deux authentiques. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi sallam a dit « Ijtanibu sab'a al-mubiqat » Soyez en garde contre les sept péchés capitaux. C'est-à-dire, écartez-vous de ces péchés-là. Et ils étaient appelés mubiqat car elles font périr celui qui les commet. Et le fait de citer sept, comme les savants disent, cela n'a pas de sens. C'est-à-dire, ce n'est pas voulu. Le nombre n'est pas voulu dans le texte. Autrement dit, les sept, ni les péchés capitaux, ils ne sont pas limités à sept. Comme il a été rapporté de Ibn Abbas, radiallahu anhu, quand ils lui ont dit, ils sont au nombre de sept, il a dit, ils sont plus proches de 700 que de sept. Yani, leur nombre est beaucoup plus grand. Mais An-Nabi alayhi sallam a cité sept parmi les plus graves et les plus dangereux des péchés. C'est pour ça qu'il les a cités dans ce hadith. Mais les péchés qui font périr la personne sont beaucoup plus nombreux que cela. Même les petits péchés, quand la personne elle tombe dans beaucoup de petits péchés, elles peuvent être la cause de la perdition de cette personne.